Exercice 6, page 148. A. Elles ont chaud. Elles sont drôles. B. Elles ont froid. Elles sont trois. C. Elles ont faim. Elles sont vingt. D. Elles ont soif. Elles sont seules. E. Elles ont peur. Elles sont sœurs. F. Elles ont mal. Elles sont sales.